Chapitre 12. Orgex, 2043. Fred, harassé, rentrait doucement chez lui. L'hostal était si vide depuis que l'ancêtre l'avait quitté. Bientôt 15 ans qu'il était seul. Il n'avait jamais trouvé son âme sœur. Cela lui pesait parfois, comme les années de labeur. Il se sentait vieux. Il était vieux. Jérémy avait disparu depuis 25 ans sans que l'on ne sût jamais ni pourquoi ni comment. Il se souvint de ce jour de juin, si plein de soleil, où son ami était allé visiter Las Pulgas. Jamais plus personne ne l'avait revu depuis. Fred se demandait encore, malgré le nombre d'années, où son ami avait bien pu disparaître sans ne laisser aucune trace, même infime. Et pourtant, Dieu sait qu'il l'avait recherché dans toute la région, pendant 2 longues années, sans jamais relâcher son intention de le trouver. Mais rien n'y fit. Il visita les grottes les plus grandes, comme celle de Niau, de Lombrive, de La Bouiche, la souterraine, et bien d'autres encore. Rien. Au bout de 2 ans de recherche intensive, il avait cessé. L'ancêtre ne pouvant plus travailler, il avait repris la petite exploitation à lui seul, diminuant de moitié le cheptel. Puis son père s'en était allé un soir d'hiver. Il s'était assoupi devant la cheminée pour ne plus jamais se réveiller. Peu à peu, ses vieux compagnons le rejoignirent également. Fred continua le travail de la chèvrerie. Il allait toujours de temps à autre vers Las Pulgas, sur les hauteurs du village, mais ses vieux os lui rappelaient son âge et peu à peu il arrêta. Tout ce que la police avait retrouvé dans cette petite anfractuosité était la lampe torche de son ami. Il avait lu et relu des centaines de fois le mot que ce dernier lui avait laissé sur la table de la cuisine avant de partir, et désormais, taché et ne tenant plus que par quelques bouts de scotch, il lui arrivait encore de le relire. Mon ami, je préfère faire cette petite balade tout seul, ne m'en veux pas. J'ai besoin de réfléchir à mon avenir et à celui de mon enfant. J'aimerais qu'elle vienne ici avec moi dans les années à venir. Elle pourra oublier doucement son chagrin et je l'aiderai de toutes mes forces. En attendant, j'aimerais également découvrir le secret de Phébus. Alors je vais visiter Las Pulgas et te rendrai compte de mes découvertes, si découvertes il y a. Ne t'inquiète pas, je serai de retour avant que vous ne reveniez de la laiterie. Jérémy. Fred tint pour la millième fois ce morceau de papier si usé qu'il finirait par tomber en cendres un de ses jours. À 72 ans, il était fatigué, usé. La perte de Jérémy l'avait accablé. Il avait dû prévenir ses parents, et ceux-ci l'avaient mal pris. Il avait reçu toutes sortes de critiques et de méchancetés, alors qu'il n'avait fait que l'accueillir dans un moment où il en avait le plus besoin. Les amis servant à cela également. Il mit sur le compte du chagrin la terrible injustice dont ces derniers l'accablèrent. Son plaisir, c'était d'avoir de temps à autre une carte ou une lettre de la fille de Jérémy. Il avait même été invité à son mariage 3 ans plus tôt et ensuite de nouveau à faire part. Une petite princesse était née. Amoretta avait 2 ans lorsqu'il la vit la première fois. Il resta muet, ébahi par la ressemblance avec sa maman. Amour ressemblait à Cory, la femme de Jérémy, et la petite Amoretta était un autre double. En fin de compte, se dit-il amusé, la fichue malédiction de Phébus était une belle tromperie. Et tant mieux pour ces enfants si beaux et merveilleux. Quel dommage que son ami ne puisse voir ce qu'était devenue sa belle petite fille. Grande, brune comme sa maman, élancée, les yeux de Jérémy. Elle était tout simplement superbe. 4 ans après la disparition de son ami, elle avait commencé à reparler. Puis avec de la rééducation, peu à peu, elle avait remarché. Il aurait été si fier de la volonté farouche dont elle avait hérité de son papa. Amour lui rendait visite désormais environ une fois par an. Il était si heureux de ces visites qu'il les priait de rester toujours un peu plus longtemps. Mais Amour, dont les études de médecine s'étaient soldées par un diplôme fraîchement acquis, devait s'en retourner rapidement vers ses patients. À 30 ans, elle avait réussi tout ce qu'elle avait entrepris, avec en tête l'espoir de revoir son père et qu'il soit fier d'elle. Fred se servit la soupe qui chauffait doucettement au coin du feu. Le temps était plutôt frais pour la saison. Un vent glacial soufflait depuis 2 jours et il n'arrivait plus à se réchauffer. Les longues soirées d'hiver lui faisaient de plus en plus peur. Il se sentait si seul. Demain, il partirait sans doute pour la dernière fois sur le chemin de Las Pulgas. Oui, une dernière fois sur les traces de son ami avant que la neige ne fasse son apparition. Fred eut une nuit horrible. Les volets battirent contre le mur à cause du vent violent et l'empêchèrent de fermer l'œil. Il ne réussit à s'assoupir que vers le milieu de la nuit, et encore, ce fut pour faire des cauchemars. Se réveillant en sursaut vers 5 heures du matin, il se dit que cela suffisait et se leva. Avant de préparer le déjeuner, il alla traire les quelques chèvres qui lui restaient, et son dos le rappela vivement à l'ordre. Bon sang de bon sang! Tout nerf de Dieu, dirait l'ancêtre. Je me fais trop vieux pour ça. Il va falloir que je vende mes dernières bêtes. Je ne vais en garder que 2 pour avoir un peu de lait et du fromage. Il rentra et s'assied lourdement. Il prit un bon déjeuner et remplit son sac à dos avec un morceau de saucisson, un bout de fromage, un quignon de pain et un thermos de café. Me voilà paré. En route. Là où il aurait mis une bonne demi-heure pour arriver à Las Pulgas quelques années plus tôt, il mit 1 heure et demie. Et arrivé à mi-hauteur, il dut faire une halte. Les broussailles avaient disparu avec l'arrivée de l'hiver, et la cavité se voyait nettement. Fred se demanda s'il allait entrer comme les autres fois, quand une espèce de gémissement retint son attention. Il regarda autour de lui sans distinguer qui que ce soit, et allait reprendre sa marche lorsque le gémissement reprit. Vous avez besoin d'aide? Dites-moi où vous êtes, guidez-moi. La voix qui lui répondit était si faible qu'il ne distingua pas les paroles. Cependant, il se guida au son et finit par apercevoir un homme appuyé à un tronc d'arbre. L'homme avait la tête qui pendait sur la poitrine et semblait bien faible. Fred s'approcha et sortit sa thermos de son sac. Ah, vous allez boire un peu de café bien chaud, cela vous fera le plus grand bien. Êtes-vous blessé? Au son de cette voix, l'homme releva enfin la tête. Et Fred, ébahi, ne sut plus quoi dire ni faire. Il avait devant lui son ami Jérémy, mais un Jérémy aussi jeune que le jour de sa disparition. Fred finit par secouer la tête. Un sosie sans doute. Malgré l'étrangeté de la situation, il reprit. Vous allez bien? Êtes-vous blessé? L'homme le regarda éberlué et murmura. Anthelme? C'est vous, Anthelme? C'est bien vous? Jérémy? Non, c'est impossible, je suis en train d'halluciner. L'homme sourit au travers de ses larmes. Fred se dit qu'il avait vieilli, certes, mais qu'il ressembla autant à son père, jamais il ne l'aurait cru. C'est Fred, Jérémy. Mon père s'en est allé depuis un bon bout de temps déjà, mais 25 ans, c'est impossible. Je ne peux y croire, reprit-il complètement interloqué. Mais bon sang, où étais-tu donc passé? Mais attends, tu dois avoir froid. Je vais te relever et nous allons redescendre jusqu'à l'hostal. Là, tu me raconteras tout. Bois un peu de café pour te réchauffer. Il y a cependant une chose que je ne m'explique pas. Quoi donc? Demanda faiblement Jérémy, qui buvait avec délice quelques gorgées bien chaudes. Ton apparence, mon vieux. Tu es si jeune. Je ne comprends pas non plus, mais j'ai si froid, Fred. Je vais t'aider à te lever, et il nous faut descendre le plus vite possible. Les nuages qui s'amoncellent sont synonymes de neige. Nous ne devons pas lambiner, mon ami. Bien que je ne sois plus aussi jeune que toi, je vais te supporter, mais il va falloir m'aider ou nous n'y arriverons jamais. La descente vers le village fut un véritable calvaire pour les deux hommes, qui s'écroulèrent littéralement épuisés sur le canapé élimé. Il fallut à Fred un bon quart d'heure pour reprendre un semblant de souffle et de force. Quant à Jérémy, il s'étala et fut incapable de se relever. Fred le couvrit avec une belle couverture de laine bien chaude et renforça le feu avec de grandes bûches qu'il ramena de l'abri. Il servit à son ami un grand bol de soupe qu'il dut lui faire avaler, Jérémie pouvant à peine se bouger. Reste tranquille, je vais appeler le médecin, il faut qu'il t'examine. Se levant, Fred se trouva retenu par la main chancelante de Jérémie. N'en fais rien, je t'en prie. Cela ne servirait à rien. Je le sais, je suis en train de mourir. C'est ainsi, mon heure est venue. Enfin, qu'est-ce que tu racontes? Tu es seulement plus âgé de moi que moi, de 2 ans. Tu es faible et... Non, je le sens, Fred, et c'est bien ainsi. J'ai tellement espéré qu'un jour, je pourrais te revoir et avoir la possibilité de te raconter mon aventure. Si j'y arrive, alors crois-moi, je partirai heureux. Mais avant tout, bien que j'aie une peur qui me tord les tripes, j'aimerais avoir des nouvelles de ma princesse. Amour? Mais elle va très bien, elle. Ah, oh, bien sûr, j'oubliais que tu étais au loin depuis si longtemps. Que veux-tu, je commence à perdre la mémoire, l'âge. Mais revenons à nos moutons. Amour va très bien. Elle est mariée depuis 3 ans et tu as une belle, merveilleuse petite fille. Elle est en vie. Ah, certainement. Mais comment? Quelques années après ton départ, il passa une bonne heure à tout lui raconter dans le moindre détail. Fred voyait son ami sourire et se détendre. Il lui servit un petit verre de vin pour le renforcer, lui dit-il. Mais la pâleur de Jérémie le préoccupait. Voilà, tu sais tout. Mais et toi? Jérémie soupira longuement et sortit de dessous sa simple tunique de lin un grand carnet en moleskine noire. J'ai tellement de choses à te raconter que je ne sais vraiment pas par quoi commencer. Mais par le commencement, pardi. Où étais-tu donc passé? De plus, tu es bizarrement accoutré. Qu'est-ce que c'est que ces oripeaux? Jérémie rit doucement et finit par s'étouffer. Après que Fred lui eut fait boire encore un peu de vin, enfin il commença son hallucinant récit. Au fait, désignant son carnet, j'ai tout relaté, toutes ces 25 années de vie sont là-dedans. Si jamais je n'avais pas le temps de tout te dire. Tu te rappelles le jour de mon départ pour Las Pulgas? Je ne crois pas que je pourrais un jour l'oublier. Jérémie narra ce qui lui était arrivé dans la grotte et où il s'était réveillé. Tu délires, fit Fred stupéfait. C'est impossible ce que tu me racontes là. Oh, ami, c'est la vérité, je t'assure. Laisse-moi te narrer tout le reste. Je n'ai pas beaucoup de temps, et tu vas te rendre compte que pour te résumer 25 ans de vie, cela va être bien difficile. Fred lui mit un coussin derrière le dos et raviva le feu. Ce qu'il entendit pendant les 3 heures suivantes le laissa sans voix.